S'amuser, je vous le rappelle, se dit divertirsi, se divertir. Donc, si vous vouliez traduire « je m'amuse », qu'est-ce que vous diriez ? Divertirsi. Je vous rappelle que le « si » de « divertirsi » correspond simplement au « se » de « se divertir », « s'amuser ». On n'en tient pas compte quand on emploie le verbe en contexte, quand on dit « je m'amuse », « vous vous amusez », etc. En fait, c'est un verbe en « ire », « divertire ». La partie du verbe qui change, ce n'est pas l'infinitif tout entier, ce n'est pas « divertirsi », c'est « divertire ». Alors, « je m'amuse » donnerait « diverto ». Ce que vous venez de dire, c'est « j'amuse », alors que je vous ai demandé de traduire « je m'amuse ». Ah, « mi diverto ». Bien, « mi diverto ». Comment diriez-vous maintenant « je m'amuserai », c'est-à-dire un futur ?« Mi divertaro divertiro ». Si vous dites ça, on va vous regarder d'un air perplexe. On ne vous comprendra pas. Dans ce cas-là, quand la balle a touché le filet sans passer de l'autre côté, vous avez droit à un deuxième service. Une deuxième tentative pour vous faire comprendre. D'accord. Divertire, c'est l'infinitif. Oui, disons que divertire correspond à amuser, tandis que s'amuser, c'est divertirsi. Vous voulez exprimer un futur, donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez insister sur la fin. Mi divertirò. Il y a une seule accentuation, pas deux. Mi divertirò. Mi divertirò. Voilà. Si vous dites divertirò, heureusement, il n'y a pas de risque de malentendu. Par contre, on ne vous comprendra pas. Mi diverto signifie je m'amuse. Mi diverto molto. Je m'amuse beaucoup. Comment diriez-vous ? Il s'amuse. Ce se traduit par si. Oui. Donc, il s'amuse se dira si diverta. Non. Si ce n'est pas je, si c'est il, elle ou vous, on a soit a pour les verbes en are, soit pour tous les autres verbes e. Et c'est ça. Alors, si diverte. Si diverte. Si diverte. Et si vous vouliez dire « nous nous amusons », que diriez-vous ? Noi ci. Non. Tout simplement ci. C-I. Ci. Ci ? Ci. Nous. Dans ce cas-là, oui. Ci divertiamo. Bien. Ci divertiamo. Nous nous amusons. Ci divertiamo. Si vous voulez plonger dans le passé et dire « je me suis amusé », vous faites comme en français, c'est-à-dire que vous plongez à partir du verbe « être ». C'est automatique. Dès que vous avez un verbe réfléchi, c'est-à-dire un verbe avec « me »,« te », »,« se », etc., vous employez « être ». C'est facile, parce que c'est exactement parallèle dans les deux langues. Je me suis, mi sono. Pas de verbe avoir, toujours être. Sono, mi sono. Et donc, pour en revenir à notre phrase, je me suis beaucoup amusé. Comment diriez-vous ça si c'est un homme qui parle? Mi? Mi sono molto. En français, on met beaucoup entre le plongeoir et le verbe. Mais en italien, Mi sono diverti. Il faut plonger dans le passé après le verbe avoir ou être. Quelle est la divertiti. Ce n'est pas un pluriel que je vous ai demandé. Divertiti, ce serait divertito. Bon, donc mi sono. Mi sono divertito molto. Voilà, oui. Mi sono divertito molto. Je me suis beaucoup amusé. Mi sono divertito molto. Si c'est un homme qui parle. Mi sono divertita molto, si sent une femme. Et que donnerait nous nous sommes amusés? Amusés et S, c'est-à-dire un groupe d'hommes ou un groupe mixte homme-femme. Chi. Chi. Si. C'est un pluriel. Comment dit-on nous sommes? Siamo. Oui. Ci siamo divertiti. Voilà, vous y êtes. Ci siamo divertiti. Maintenant, vous allez me dire nous nous voyons. Comment dit-on nous dans nous nous voyons? Ci. Ci. Nous, c'est ça. Donc, nous nous voyons, c'est? Ci vedriamo. Ve? Vediamo? Oui, ci vediamo. Nous nous voyons, nous nous retrouvons. Ça se dit souvent quand on se donne rendez-vous. Au futur maintenant. Nous nous verrons. Essayez. Nous nous verrons demain, par exemple. Vous avez deux solutions. Ci vedriamo domani. Ci ve? Ci vedriamo domani. Non, vedriamo n'existe pas. Deuxième service. Ci vedriamo. Non. Non. Votre interlocuteur vous regardera sans comprendre si vous dites ça. Donc, il faut que vous trouviez une solution. Dans ce cas particulier, vous pouvez utiliser un présent, tout simplement. Mais c'est ce que j'essayais de faire, je croyais que c'était un présent. Ah bon ? Mais pas avec un R. Si vous mettez un R, c'est un futur. Ah, alors au présent, c'est vediamo. Presque. Vediamo. Ci vediamo domani. Oui. Ci vediamo domani. Maintenant, si vous voulez vraiment dire nous nous verrons, un futur donc, qu'est-ce que ça donnera? Vedriemo. Non. Ci vedriemo. Vedemo. Bon, alors, voyons. Comment. Vedremo. Oui. Ci vedremo. Oui, bien, redites-le encore. Ci vedremo. Ci vedremo, oui, ci vedremo. Et pour dire nous nous verrions au conditionnel, ce serait ci vedremo. Absolument, au conditionnel vedremo. Ci vedremo. Ci vedremo, c'est nous nous verrions. Ci vedremo, vedremo. Comment diriez-vous, à quelle heure nous verrons-nous demain? À quelle ora ci vedremo? Domani? C'est ça. À che ora ci vedremo domani?